Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. Quoi de mieux qu'une émission 100% bonne humeur pour oublier tous les tracas et les petits soucis de la vie? C'est ce que vous propose cette émission Dansez maintenant. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous êtes en manque ou en mal d'amour, eh bien sachez qu'Arlette est là pour vous remonter le moral grâce à sa petite rubrique sympathique qui nous parle justement d'amour. Côté accordéon, on n'est pas en reste puisque ce sera Christophe Pesset qui s'en chargera grâce à sa rubrique Accordéon Nouvelle Vague. Ah, et pour vous mettre un peu l'eau à la bouche côté amour, et bien voici Chanson d'amour. Autrefois, je me souviens, mon père disait, la vraie musique, moins tu compliques, mieux tu la fais. Je n'ai rien d'autre à t'expliquer. Mais qui nous vont maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Ces petites notes de musique qui nous accompagnent, eh bien, elles nous accompagnent tout droit vers la rubrique Accordéon Nouvelle Vague, présentée par monsieur Christophe Pesset. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Bonjour à toutes et à tous, merci Hubert. Alors je suis très heureux de vous présenter une nouvelle fois l'anthologie de l'accordéon interprétée par Éric Bouvel. C'est 6 CD, 151 titres, 7 heures de musique. Cette semaine, nous allons parler de Gus Wieser, Joe Priva, André Verschuren et puis Yvette Horner. Place maintenant à Gus Wieser qui nous a quittés en 1974. On écoute tout de suite la flambée montalbanaise. Magnifique interprétation par Éric Bouvel. Je vous fais un petit cadeau supplémentaire. Freddy Balta, qui nous a quitté en 2002. Coup de tête! We'll be right back. On écoute maintenant un mythe de l'accordéon. Je veux bien sûr parler de Joe Privat. 1919-1996, il vous interprète une chanson dédiée à son papa, sa préférée. Sorgia FM. Vous pensiez que nous les avions oubliées, ces chansons d'amour, mais que nenni, grâce à Arlette, eh bien, ces chansons d'amour sont toujours là, présentes, à côté de nous. Merci Arlette, eh bien, la voici, la voilà. Hello, bonjour à tous, bonjour Hubert. Bonjour Arlette, alors l'amour est toujours d'actualité, non ? Eh oui, comme tu as raison, car les chansons d'amour ne se démoderont jamais. Seule la façon de les interpréter change. Mais les cœurs, eux, ne changent pas. Exactement. C'est lui que mon cœur a choisi. Jolie valse chantée en 1938 par Édith Piaf et dont les paroles et la musique sont de Raymond Asseau. Évidemment, l'enregistrement est un peu nasillard. Bon. Mais le thème, lui, reste le même, quelle que soit l'époque. Ça, c'est sûr. C'est lui que mon cœur a choisi, Édith Piaf. Plus comment qu'on s'était rencontrés. Je ne sais plus si c'est lui qui a parlé le premier, ou bien si c'était moi qui avais fait les avances. Ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux me rappeler, c'est lui que mon cœur a choisi. Et quand il me tient contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui fout quand c'est beau, c'est épatant. Il a pas besoin de parler, il a rien qu'à me regarder. Et je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi. Je ne sais pas s'il est riche ou s'il a des défauts, mais de l'aimer comme je l'aime, un homme est toujours beau. Et quand on va danser, qu'il pose sur mes hanches ses belles mains si blanches, ça me fait froid dans le dos. C'est lui que mon cœur a choisi, et quand il me tient contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui coule quand c'est beau, c'est épatant. Il a pas besoin de parler, il a rien qu'à me regarder, et je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi. Je sais pas ce qui m'arrivera, si ça durera longtemps, mais je me fiche du plus tard, je veux penser qu'au présent. En tout cas, il m'a dit qu'il m'aimerait toute la vie, que la vie sera jolie, s'il m'aime pour tout le temps. C'est lui que mon cœur a choisi, et quand il me tient contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui coule quand c'est bon, c'est épatant. Ah, il a pas besoin de parler, il a rien qu'à me regarder, et je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi. Que Dieu protège notre amour. Quel titre ! Chanté en 1967 par Thérèse Deroy, écrite par Marc Gélinas, auteur-compositeur canadien, qui, entre parenthèses, obtient le Grand Prix du disque en 1958. Patrick Normand, lui aussi, nous vient du Canada. Il reprend cette chanson dans les années 2000. Et c'est cette version que nous écoutons maintenant. Que Dieu protège notre amour, Patrick Normand. Que Dieu protège notre amour et qu'il te garde près de moi. Je rêve de finir mes jours, ma tête appuyée contre toi. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous donne bonheur et joie, qu'il soit plus grand de jour en jour, brûlant comme la première fois. Que Dieu protège notre amour. Que Dieu protège notre amour, qu'il soit plus grand que le désir qui pourrait embrumer nos jours, nous faire pleurer, nous faire souffrir. Que Dieu protège notre amour, qu'il nous garde des faiblesses qui nous joueraient de mauvais tours et gâcheraient notre vieillesse. Que Dieu protège notre amour. Sois plus grand de jour en jour, brûlant comme la première fois. Que Dieu protège notre amour. Nous sommes en Italie en 1964. Bobby Solo, chanteur italien de renom, envoie sur les ondes « Una la crema sul viso », écrite par Lunero et Mogol. Bien sûr, c'est un énorme succès qui arrive très vite en France. Alors, Michel Jourdan, auteur-compositeur, nous en écrit la version française. Et ça donne « Sur ton visage, une larme ». Et Bobby Solo, avec le même succès, nous la présente. Sur ton visage, une larme, Bobby Solo. Sur ton visage, une larme, vient de couler en silence. En l'instant où j'étais dit tristement. Visage une larme et soudainement commence les premiers tout premiers jours que j'attends sans y croire. Je n'avoue, n'osé plus croire que ce jour viendrait. Tout près de moi, tu étais si loin. Me déplaisant, changer ma vie. Une larme, une seule, a suffi. Sur ton visage, une larme. J'ai compris sans plus attendre que ton cœur brûlait autant que le mien. Depuis déjà longtemps. Mimosette, paroles de Camille Sanguin, musique de Fernand Ernst, écrite en 1929. Tombée complètement dans l'oubli et retrouvée en 1968 par Charlie et Paula Chabran. Remise au goût du jour, Mimosette est dans tous les bals. C'est un foxtrot que Georgette Plana immortalise. Reprise aujourd'hui par l'orchestre Tendance, chantée par Hubert Ledent, accompagné à l'accordéon par Éric Colomb. Mimosette, Hubert Ledent. Elle avait 16 ans, de jolis yeux rieurs. Le soir à Montmartre, elle vendait des fleurs. Les clients qu'elle savait séduire à ses fleurs préféraient un sourire. Mais pour avoir un sourire plus joli, plus d'un amoureux, le cœur vraiment épris,

n'était pas en reste, car dans toute la station, on fabrique et puis l'on teste le meilleur des reblochons. On fabrique et puis l'on teste le meilleur des reblochons. Savez-vous qu'un vieux village perché près du ciel là-haut a fait de tendres fromages le soleil de Manigaud, a fait de tendres fromages le soleil de Manigaud. Dans mon alpage, tout là-haut, là-haut, lorsque je soigne mon petit troupeau, un chant se lève sur le vallon, c'est la chanson. Des tarines au printemps ouvrant le bal, du fromage qui s'affine, du boucher à Serraval, du fromage qui s'affine, du boucher à Serraval. Voyez-vous, ma chansonnette est venue d'une passion, elle vous invite à la fête au pays du reblochon, elle vous invite à la fête au pays du reblochon. Dans mon alpage, tout là-haut, là-haut, lorsque je soigne mon petit troupeau, un chant se lève sur le vallon, c'est la chanson des reblochons. Un chant se lève sur le vallon, c'est la chanson. Maintenant sur Sorgia FM. On va danser en ligne, mais c'est particulier aujourd'hui, je ne vous dis que ça. Les pouces en avant, les pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière, et chick-chack-chick-chack-chick-chack. Et chicken chicken chicken chicken chicken chicken. Et chicken chicken chicken chicken chicken chicken. Et chicken chicken chicken chicken chicken chicken. Les pouces en avant, les pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière, les genoux pliés, les genoux pliés. Et chicken chicken chicken chicken chicken chicken. Et chicken chicken chicken chicken chicken chicken. Et chicken chicken chicken chicken chicken chicken. Et chicken chicken chicken chicken. Les yeux qui louchent, les yeux qui louchent. Chicken chicken chicken chicken chicken chicken. Et chicken chicken chicken chicken chicken chicken. Et chicken chicken chicken chicken chicken chicken. Et chicken chicken chicken chicken chicken chicken. Les pouces en avant, les pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière, les genoux pliés, les genoux pliés, les pieds.

bien, je suis au regret de vous annoncer que c'est déjà la fin de cette petite rubrique. En tout cas, eh bien, on ne peut pas se quitter sans parler, eh bien, de la reine de l'accordéon musette, la mode, le Tour de France. Je veux bien sûr parler d'Yvette Horner. Elle nous laisse de très très belles compositions. Yvette Horner est née en 1922. On écoute tout de suite Éric Bouvel et Aurélien Noël qui vous jouent Perles d'accordéon. Merci, bonne semaine et à très bientôt. FM, Hubert Ledan. À tous ceux qui partent, chin chin chin. À tous ceux qui restent, chin chin chin. À tous ceux qui tombent, chin chin chin. À tous ceux qui sombrent, chin chin chin. Je lève mon verre, chin chin chin. À vous tous mes frères, chin chin chin, je veux chanter pour vous, chin chin chin, et vous saluer debout, chin chin chin. Toi qui ce soir a perdu, chin chin chin. Toi qui ce soir est battu, chin chin chin. Je veux croire mon frère, envie dans ce verre, je veux croire encore à ton espoir. Toi qui n'as plus de maison, chin, chin, chin. Toi qui n'as plus de raison, chin, chin, chin. Je veux croire mon frère, en vie dans ce verre, je veux croire encore à ton espoir. À tous ceux qui partent, chin chin chin. À tous ceux qui restent, chin chin chin. À tous ceux qui tombent, chin chin chin. À tous ceux qui sombrent, chin chin chin. Toi qui pleures ta liberté, toi qui encore est tombé, je veux croire mon frère, envie dans ce verre, je veux croire encore à ton espoir. Toi qui es seul sans amis, toi qui cherches dans la nuit, je veux croire mon frère, envie dans ce verre, je veux croire encore à ton espoir. Au blé qui s'élève, chin chin chin, la prison qui s'ouvre, chin chin chin, à l'enfant qui pleure, chin chin chin, à l'oiseau qui vole, chin chin chin, je lève mon verre, chin chin chin, à vous tous mes frères, chin chin chin, je veux chanter pour vous, chin chin chin, et vous saluer debout. Eh bien oui, on a trinqué le verre de l'amitié pour célébrer cette émission Danser Maintenant. Et on se dit bien sûr rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même station. Merci pour votre fidélité. D'ici là, passez donc une très bonne semaine. Je vous embrasse, au revoir. Le désir dans tes yeux, un instant merveilleux, mets ton regard à la couleur d'un jardin sous la pluie. Illusion de bonheur, unie pour quelques heures. La nuit s'achève et l'on s'en va, chacun vers sa vie. Tu me manques déjà, bien avant ton absence, bien avant. Je te porte au fond de moi comme un oiseau blessé. Bien sûr, il y a ces nuits de tendresse infinie, mais tant de larmes à chaque fois qu'il faut se quitter. Tu me manques déjà. Sans rien y faire.